Ta question? On va y aller où? C'est ce que je vais te poser. Ouais, c'est ce que je pensais que tu me poserais. J'aimerais savoir que faire pour une personne qui a eu un accident et qui devient presque, c'est dire le mot, hétérique, littérique, hystérique. La même personne ne peut maigrir. Les médecins lui ont dit qu'elle mangeait les émotions. Est-ce que vous avez une cassette qui l'aiderait ou autre moyen? Merci. Il y a sur la planète suffisamment d'individus qui se spécialisent dans le très court terme. Moi, je suis spécialiste dans le moyen et le long terme. C'est-à-dire que les solutions que j'amène aux individus, ce ne sont pas les solutions qui donnent un résultat immédiat pour guérir ou amener un symptôme de l'évolution. Ce sont des solutions qui transforment l'individu totalement, parce qu'il est intelligent que l'individu soit transformé. La personne ici, elle a certains problèmes. Évidemment, la personne qui pose la question est quand même assujettie à celle qui a des problèmes. Et la personne qui a des problèmes, eh bien, bon, elle engraisse. Effectivement, elle se nourrit d'énergie vitale. L'astral a la capacité de transformer en constituant biologique l'énergie qui sert de support au désir émotif. Pourquoi le médecin dit qu'elle se nourrit de ses émotions? Elle se nourrit d'énergie vitale en réalité. Est-ce qu'il y a une cassette qui peut l'aider? Toutes mes cassettes peuvent nuire. Toutes mes cassettes peuvent aider. Ça dépend de l'individu. Ça ne dépend pas de moi. Je ne tiens pas de commerce, donc je n'ai rien à vendre. Je forme. Alors, la personne qui est dans cet état, eh bien, c'est à vous de lui présenter ou de me présenter comme solution, si vous voulez, de lui présenter un papier avec 250 titres dessus, la liste de cassettes, et c'est à elle de décider. On entend souvent dire, elle ou lui, tu paieras pour ce que tu fais, tu seras puni ou ça te tombera sur le nez. Moi, pas sûr de bien lire le mot, ça dépasse, est-ce la loi du retour? Ben, la loi du retour, c'est une loi de retour, faut faire attention, faut comprendre, on parle de loi du karma, c'est que tout ce qu'on lance revient. Mais il y a un problème aussi, c'est que tout ce que les autres lancent revient aussi. Alors, bien souvent, on paie pour les autres. On appelle cela un karma collectif. On est relié, on est collecté à ce que les autres font. Donc, c'est une loi de retour. Effectivement, c'est un retour. Mais pour l'être humain qui vit la condition karmique, pour l'être humain qui vit la problématique, ce n'est pas nécessairement un retour vers lui de ce que lui a émis. Il y a une vieille loi tirée d'un vieux livre qui ne sera pas réimprimé, qui dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Il paraît dans ce livre que celui qui sème les bonnes choses s'attire un karma bon. Celui qui fait le mal s'attire un karma noir. Ce n'est pas une loi. Ça n'a jamais été une loi. Ça a toujours été une promesse électorale. Une promesse des dieux. Un leurre. Celui qui sème les bonnes choses récolte autant de mauvaises que de bonnes. Celui qui sème les mauvaises choses récolte autant de mauvaises que de bonnes. Ça, c'est une loi. Et la loi est même finalisée en disant que celui qui ne sème rien peut récolter quand même. Il y a celui qui travaille pendant 30 ans, 50 ans pour se amasser de l'argent. Il y a celui qui le vole en 5 minutes. Et il y en a un qui a travaillé, qui a semé des bonnes choses et qui perd tout. Il y en a un qui n'a jamais semé, qui vient récolter, qui ramasse tout. C'est inécologique, mais du point de vue de l'évolution, c'est écologique. Alors, loi de retour, on peut aussi dire loi d'évolution, loi d'écosystème. Quand le pissenlit fait tout pour grimper, pour grandir, qu'il fait même de la petite place aux autres petits pissenlits à côté, aux petites trilles qui veulent sortir au printemps, il laisse de la place aux petites oxalites dressées qui veulent sortir, c'est pas haut, puis c'est, ça a de la misère. Puis quand il y a un chevreuil qui passe dans le coin et écrase des pissenlits, ben voilà, il a semé tout ce qu'il fallait, mais il est mort barré. Ça, c'est la vie de tout ce qui est assujetti à l'initiation lunaire. Donc, minéral, végétal, animal et hominal, tant que l'homme fait partie de ce que j'appelle animal humain, eh bien, c'est sa vie. Cela veut dire que bien que vous fassiez du bien autour de vous, sachez que pour votre ego, ce n'est pas une garantie qu'on vous fera du bien. C'est une garantie qu'on va profiter du bien que vous allez faire. Humanitairement, historiquement, cosmiquement, le fait de faire le bien engendre à long terme des sociétés de bien. Merveilleux donc, très convenable de faire le bien. Alors qu'à l'inverse, on engendre à long terme des sociétés de mal, de guerre, de viol, de vol, de bataille, de rixes, etc. Des sociétés où on permet encore le hockey. Lorsque l'être humain veut faire certaines choses, il les fait toujours en fonction de lui, en fonction de son ego. Pourquoi? Que si on veut considérer l'évolution en fonction de notre ego, de l'immédiat terme, on ne peut qu'être écœuré et de la vie, et des dieux, et de l'évolution. Si on fonctionne en regard d'un plus long terme, on apprendra la mécanique qui va nous permettre de bénéficier plus tard, ce qui immédiatement nous permettra de comprendre la mécanique pour bénéficier du plus tard des autres pour nous aujourd'hui. Donc, à la longue, nous devenons de grands profiteurs, de grands manipulateurs. Nous ne faisons pas différent des autres. Nous faisons comme les gouvernements. Nous faisons comme la mafia. Nous faisons comme les armées. Nous faisons comme les scientifiques. Nous faisons comme les religieux. Nous faisons comme les professeurs, comme les pédagogues. Nous faisons comme les parents. Nous faisons comme les policiers. Nous faisons comme les éboueurs. Nous faisons comme les syndicats. Mais nous, nous le savons. Le sachant, nous pouvons pénétrer d'une façon beaucoup plus ample dans la mécanique, connaître les lois qui régissent la mécanique et l'appliquer en fonction de l'intelligence plutôt que de l'appliquer en fonction d'une contradiction morale qui fait tout pour nous faire dire qu'on ne fait pas ça alors que c'est de toute façon la seule chose que l'on peut faire, manipuler. Celui qui éduque force celui qui est éduqué à adopter ce que celui qui éduque lui donne. Manipulation. On vous fait de la publicité pour vous protéger du sida. On vous manipule. Il y a des manipulations écologiques, des manipulations inécologiques. Nous devons devenir de grands manipulateurs écologiques. L'écologie, c'est la science de la compréhension des conséquences. Manipulateur écologique veut dire manipuler tous les éléments en fonction d'une conséquence intelligente. Se fier sur les dieux, lisez vos livres d'histoire. Se fier sur les autres, lisez vos livres d'histoire et les journaux d'aujourd'hui. Se fier sur soi, tous vos ancêtres vont vous dire que ça ne mérite pas. Mais j'ai bien dit, ne vous fiez pas à vos ancêtres. Vous avez de l'intelligence, c'est le temps qu'on s'en serve, c'est le temps qu'elle s'applique. Les lois de retour, il y a deux lois. La loi de celui qui attend le retour et la loi de celui qui va chercher ce qu'il a besoin. Quelle est l'origine des enfants lutins et quelle mémoire incarne-t-il? Il y a énormément de phénomènes intéressants dans ce qui concerne l'évolution gestative de tout ce qui tend à devenir humain. Il y a énormément de mémoires humaines qui, dans le passé, ont travaillé avec des farfadets, avec des gnomes, avec des hobbits, avec des lutins. Avec d'autres mécaniques belzébutiennes, reliées au plan vital de la planète, plan tellurique. Ces mémoires d'expérience humaine, contact de ces êtres, se réincarnent de temps en temps. Se réincarnent lorsque les mélanges génétiques font en sorte de permettre la création d'enfants qui ont l'onde de forme reliée à cette, on peut dire, tradition, à cette histoire traditionnelle, à ce conte. Et nécessairement, les mémoires humaines qui ont côtoyé ce genre de personnages s'incarnent à travers les corps physiques qui ont une tendance à refléter ces personnages. Alors, d'où ils viennent? Question de génétique. De temps en temps, on a des enfants qui sont loups, des enfants qui n'ont pas d'os, des enfants qui ne sont pas viables, des enfants qui sont géniaux. De temps en temps, on a d'autres phénomènes. Quelle mémoire ils incarnent? Les mémoires humaines de ceux qui ont côtoyé ces contextes, notre pensée. Est-ce que nous devenons ce que nous pensons au moment même de notre mort à la prochaine réincarnation? Non. Lorsque nous mourons, nous mourons. Nous ne devenons rien. Nous ne devenons pas ce que nous pensons. Ce que nous pensons est une manipulation du monde de la mort. C'est une mécanique donnée par les guides de lumière, c'est-à-dire les parties qui proviennent du périsprit du monde de la mort dans le but de confronter les âmes qui, eux, se recherchent lorsque le corps a été perdu, et ils les dirigent vers le monde de la mort de façon à les perdre convenablement. Ces personnages vont induire dans la conscience astrale d'un égo sur son lit de mort l'idée qu'effectivement, il n'a qu'à penser à ça, il vient de régler son problème. Alors, l'égo meurt d'une façon plus sécurisée, et allègrement, il gagne le monde de la mort, où là, il se fait désillusionner totalement. Lorsqu'un individu récupère son double à la mort du corps physique, devient-il éternel ou... Il ne devient pas éternel, il devient immortel. Ou indestructible. Il est indestructible. Ou si c'est le même phénomène qui se reproduit, fusion avec le double, retrouve un corps physique et mourir. Non. Premièrement, il n'est pas éternel. Pourquoi? Parce que le double étant immortel, il est en dehors du temps. Donc, il n'est pas question d'éternité. Il ne vit pas le temps. Lorsque le double a été intégré par la conscience lucide qui vient de quitter le corps, la partie homme de l'âme, la partie qui permet le contact entre le corps physique, le double éthérique, le canal ajusteur de pensée et le monde supramental, lorsqu'il y a fusion dans tout cela, la fusion peut se faire après la mort du corps physique, elle peut se faire pendant la vie du corps physique. C'est pendant la vie du corps physique, le corps physique devient totalement indestructible. Si c'est après la disparition du corps physique, le double éthérique s'incarnera dans un autre corps, il peut le faire par possession, posséder un corps déjà adulte ou un corps déjà en constitution, ou simplement s'incarner dans une génétique fœtale qui a la capacité de recevoir de l'intelligence suffisamment avancée. Lorsqu'il fera cela, le corps qu'il aura choisi, un corps fœtal ou un corps déjà né, il finalisera la négoisation de ce qui habitera dans le corps, il finalisera la construction du double éthérique, il fusionnera le double éthérique avec ce corps, et terrifiera le corps, donc en fera un corps de lumière. Le corps sera totalement immortel et il ne recommencera pas. Qu'est-ce qui arrive après? On en reparlera à un moment donné. C'est des choses que je préfère jaser dans des conférences qui s'adressent aux séminaristes parce qu'on a un langage, il y a plusieurs mots que je peux sortir qui sont plus connus. Si nous nous rappelons de nos vies antérieures, pouvons-nous, au moment de notre mort, reprendre un corps avec une apparence que l'on veut choisir, l'endroit pour renaître, ses parents, etc.? Bon, tu répètes ta question et je t'arrête à chaque chose qui ne sont pas tout à fait correctes. Si nous nous rappelons de nos vies antérieures, pouvons-nous, au moment de notre mort, reprendre un corps avec une apparence que l'on veut choisir? Bon, la problématique, c'est que se rappeler de ses vies antérieures, à l'instant où vous avez des visions, à l'instant où vous avez des goûts, à l'instant où vous avez des vibrations, de toute façon, c'est relié au canal réincarnationnel, à des vies antérieures. Choisir un corps qui va nous plaire. L'ego demande s'il pourra, en fonction des manipulations qui l'habitent, choisir un corps qui va lui plaire un peu plus, de façon à avoir plus de désillusions lorsque ce corps va s'altérer en vieillissant. Bon. Dans la réalité des choses, ce que vous devez savoir, c'est que de toute façon, l'ego aura le corps qu'il veut, parce que le corps attire les égos qui vont avec. Vous vous dites, je veux un corps qui a une chemise bleue. Bien, des corps qui ont des chemises bleues n'attirent que des égos comme vous. Donc, en partant, il n'y a pas de problème, c'est réglé. Sauf que ce n'est pas parce que l'ego décide, ça n'a rien à faire. Quand un morceau de casse-tête qui a quatre angles décide de rentrer dans un trou de casse-tête où il y a quatre angles, bien, il a toujours raison. Bon, habituellement, il décide de rentrer dans un trou où il y a quatre angles, mais quand il y a plusieurs phénomènes de trous, il s'essaye un peu partout, ça ne va pas. Le trou, le corps, le trou qui a quatre angles ne peut attirer des morceaux de casse-tête qui n'ont que quatre angles. Mais au moment où il est rentré dans son trou, là, l'ego, il aimerait mieux avoir huit angles. C'est évident. Pourquoi? Parce que lorsque le morceau de casse-tête rentre là-dedans, vous savez comment c'est fait un casse-tête? Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un casse-tête, c'est un puzzle. Bon. Alors, un casse-tête, c'est fait en papier. Il y a plusieurs couches de papier, jusqu'à temps qu'il y ait l'illustré en haut, là, avec l'œil du personnage ou le papillon. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est ça? C'est que la première feuille de papier, elle a quatre angles, elle rentre là-dedans. Comme ce sont toujours des réincarnations pluralitaires, bien, il y en a un paquet de quatre angles, hein? On pense être les seuls, il y en a un paquet qui rentre, jusqu'à temps qu'il soit assez épais pour être normal. C'est-à-dire que là, c'est équitable avec le reste du casse-tête, et l'illustré arrive en haut. Bon. Et là, chaque petit morceau, bien, évidemment, connaissant l'expérience de tous les autres morceaux, ça change. Ils ont l'impression d'être le casse-tête. Ils ont l'impression d'avoir quatre côtés. Ils ont l'impression d'avoir, etc. Donc, ils ont une conscience collective, celle du casse-tête global. Ils ne savent plus qu'ils sont un petit morceau. Et nécessairement, ils ont maintenant d'autres désirs. Mais ils sont faits à peau, à l'os. Ils sont dans un corps de chair. Alors, quand ils mourront, ils pourront désirer autre chose et ils l'auront. Sauf que ce qui est important, ce n'est pas ce que l'ego désire. On doit simplement faire ce qui est intelligent d'être fait, et ce qui est une chose qui est intelligente d'être fait ne demande pas d'être pressé. Ça sera fait. Ce que nous devons faire, c'est nous diriger, et spatialement et temporellement, vers l'intelligence. Donc, on doit avoir dans notre tête des mondes intelligents. On doit avoir dans notre tête des solutions intelligentes. On ne peut pas les appliquer immédiatement, ça n'a rien à voir, on doit se déplacer dans l'espace, et dans le temps, pour arriver là. Le déplacement dans l'espace se fait par la vie. Le déplacement dans le temps se fait par la vie. Un déplacement dans le temps peut être réduit si le déplacement spatial est plus rapide. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu à un moment donné. Sauf qu'au départ, on doit se bâtir des véhicules de déplacement spatio-temporel. Véhicule de déplacement, le premier véhicule de déplacement convenable est la conscience lucide, c'est-à-dire le mental. Le mental doit être suffisamment puissant à l'intérieur d'une conscience astralisée. Le mental doit être le seul maître à bord pour que le véhicule devienne utilisable. Et là, l'humain pourra vivre 200-300 ans. L'humain pourra, si le corps physique est trop abîmé, le laisser. Et il sera capable de se réincarner unitairement. Il se rappellera ce qu'il a été. Il va continuer. Il y a des façons de préserver la matière qu'on va abandonner pour la retrouver plus tard, des façons de ne pas avoir à recommencer. On a parlé un peu la semaine dernière ou la semaine d'avant. J'en ai déjà parlé dans un séminaire sur les clés du contrôle. Il y a tellement de possibilités qui sont aujourd'hui accessibles à la conscience lucide de l'humain. Tout ce qu'il faut, c'est que l'ego, qui cohabite avec la conscience lucide de l'humain, l'antihomme qui cohabite avec l'intelligence, finisse par autoriser votre ego, vos réincarnations, vos ancêtres, doivent vous autoriser à réussir quelque chose qu'eux ont toujours espéré et qu'eux ont toujours manqué. Comme je le dis souvent, lorsqu'une religion te dit qu'elle peut te mettre en contact avec Dieu, la journée que tu dis « ça y est, fais le contact », la religion t'excommunie. Tu n'as pas le droit de dire ça. Alors, à un moment donné, les ancêtres, c'est la même chose. Les ancêtres, ils vont vous dire quoi faire pour réussir, mais réussissez pas. Vous allez les frustrer noir. Est-ce qu'à partir du moment où tu as conscience de ta réincarnation, tu peux choisir tes parents ou l'endroit où tu vas vivre? Non. Tu n'as pas besoin de choisir tes parents. Montre-moi des bons parents. Moi, j'en suis un. Pour toi. Je peux me réincarner. Mais si je demande ça à tes enfants? Ah, ben là, c'est à moi qui se pose la question. Je suis initié sur le son et la lumière depuis 8 ans. Ça fait déjà 2 ans que je ne pratique plus cette technique et abandonné le maître. Je ne veux plus avoir affaire avec ce maître dans tel que je suis, donc disconnecté définitivement. Au moment de la mort, le maître dit toujours aux initiés qui ont suivi ou pas cette discipline, retourne vers lui face à face et a parfaitement le contrôle sur chaque initié pour la prochaine vie. Oui, bien ça, c'est faux. Du moment que vous allez refuser l'idée va devenir fausse. Tant que vous l'acceptez, l'idée est totalement vraie. Sauf que ce que le maître avait à vous donner en imprégnation, vous l'avez reçu. L'ayant reçu, vous l'avez digéré. L'ayant digéré, vous considérez que vous restez vous-même. Restant vous-même, vous ne voulez pas digérer le reste, qui ne fait pas partie de ce que vous avez besoin, donc vous rejetez le maître. Et le maître a essayé de garantir le fait que ceux qui voudraient s'échapper, il y aurait toujours un implant chez eux qui engendrerait le doute. Tant que l'ego y croit, c'est vrai. Quand l'ego y croit plus, c'est faux. Il n'y a aucun problème. Puis si un jour, ben par hasard, à votre mort, vous rencontrez le maître, ben faites de la boxe avant. Et puis, amenez-vous un gant astral avec vous, puis... Ça, c'était la suite de la question à laquelle tu as répondu. Tu dis qu'il faut travailler sur l'onde de forme pour devenir aristocrate. Si l'individu est trop pauvre pour porter différents habits beaux, dispendieux, est-ce que ça pourrait fonctionner quand même si on porte toujours le même habit très chic? Oui, si vous n'allez pas toujours devant les mêmes personnes. Ça ne dérange absolument rien. Qu'est-ce que c'est que travailler sur son onde de forme? Il y a des dangers. Il y a toute une technologie, une technique qui existe pour que l'humain apprenne à travailler l'onde de forme. C'est évident qu'un être humain qui, par exemple, est pauvre et à un moment donné va emprunter 3 000 $, achète un habit à 3 000 $, il a manqué son coup. Pourquoi? Parce qu'il va réincarner les mémoires de ceux qui se prennent pour d'autres, de ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. Il doit simplement, à un moment donné, s'acheter une cravate. Il l'a acheté chez Croteau. Ça ne change rien, il ne l'a jamais mis. Là, il réincarne des mémoires d'individus un peu plus haut. Mais lui, sachant que c'est l'escalier au complet qu'il veut incarner, non pas qu'une marche, à un moment donné, les choses vont commencer à changer. Il va acheter un peu plus. Au lieu de s'acheter une montre bon marché, à un moment donné, il va dire, je vais attendre un peu plus. Je vais mettre 5, 10, 15, 20 $ de plus dessus. Je vais avoir quelque chose dans mon compte en banque, c'est-à-dire que je vais minimum déposer à chaque paye, quitte à mettre 50 cents, je vais augmenter l'avoir de mon compte en banque régulièrement. Je suis sur l'assistance sociale, ça ne change rien, j'ai un compte, calculateur, où je mets le minimum, mais j'en mets régulièrement. J'ai décidé que j'en mettais, j'incarne les mémoires des personnes qui économisent. Économise pas des millions, ben j'ai pas des millions. Mais j'économise, comme ceux qui finissent par avoir de l'argent, qui, parce qu'ils ont 1 000 000, vont quand même ramasser le 10 cents qu'ils ont échappé. C'est une question d'énergie. C'est pas une question « Ah, je suis riche, rien là ». Ça, c'est une mentalité de pauvre. C'est pas question de savoir ce que tu as en banque. La mentalité, c'est autre chose. À un moment donné, ils font... Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une automobile, eh bien, ils mettent toujours 5 $ d'essence dans leur réservoir, parce qu'ils n'ont jamais plus. Toujours vide. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, tu mets 25 $ d'essence, et puis après, quand tu es rendu au quart, tu mets ton petit 5 $. Fait que tu mets toujours juste 5 $ d'essence, mais tu roules avec un automobile dont le réservoir est toujours plein. Tu as l'onde de forme de celui qui a un réservoir d'automobile plein. Donc, tu t'en vas, puis quand tu regardes ton aiguille, c'est toujours plein. Mais au niveau de l'instruction égoïque, c'est mieux. Mais tu mets toujours ton petit 5 maudit $ parce que tu n'as pas plus, mais ton réservoir est toujours plein. Moi, je vais avoir ton automobile, je vérifie ta jauge d'essence, c'est plein. L'onde de forme, tu es en train d'altérer l'onde de forme et tu es en train de t'en sortir. Je peux prendre des individus et les amener à être riches, mais il faudrait que l'individu applique certaines choses et qu'il soit patient. Mais ce qui va arriver avec la mentalité de pauvre, c'est quand c'est plein, tu te dis « Ah ben maudit, j'en ai pour longtemps. » Là, tu passes un mois sans mettre. Finalement, quand il est vide, tu recommences ton 5 $. Et comme j'expliquais à un moment donné, si j'étais au gouvernement, l'assistance sociale, ils ne recevraient jamais leur chèque une fois par mois. Pourquoi? Parce qu'ils le reçoivent une fois par mois, ils sont riches pendant une semaine. Ils sont pauvres pendant 3 semaines. Bon, alors ils devraient recevoir ça tous les semaines. Ça coûte un peu plus cher. Bien, qu'ils le payent un peu plus cher, c'est-à-dire sur l'euro de 5 $, sur chaque chèque de paye, donc l'euro de 20 $ par mois. Ah, ils vont chialer, oui, parce qu'ils ne comprennent rien. Mais si tu leur offres 20 $ par mois pour financer tes chèques toutes les semaines, ils vont être plus riches tout le mois, ils vont vivre drôlement mieux, et lentement, on va cesser de forcer l'incarnation de personnes pauvres dans l'assistance sociale parce qu'ils auront la capacité. Prends n'importe quel employé qui a beau gérer sa vie convenablement, puis paye-le une fois par mois sans faire un pauvre. Alors, prends quelqu'un qui déjà n'a peut-être pas la mécanique, soit pédagogique, instructive ou énergétique pour s'en sortir, puis que déjà là, on le paye. D'ailleurs, on le fait, c'est pour rien qu'on le fait, on tient ce qui reste de même, mais on le paye une fois par mois. Vraiment, c'est absolument débile. Ceux qui sont payés aux 2 semaines ont déjà plus de difficultés à s'en sortir que ceux qui sont payés à la semaine, parce qu'à la semaine, tu ne peux pas dépenser 2 semaines de salaire en 3 jours. Tu peux dépenser 1 semaine en 3 jours. Fait que tu as 2-3 jours de pénible vie, après ça, tu en comptes à payer. Fait que ça paraît pas. Donne 2 semaines, prends 3 semaines, prends 1 mois, l'individu a de gros problèmes. Comment on transforme l'onde de forme? Donc, l'individu ne doit pas, s'il a un seul vêtement qui lui va, bien qu'il le porte. Et qu'il le porte chaque fois qu'il considère que l'onde de forme qu'il doit dégager doit être en affinité avec l'endroit où il va. Si c'est toujours la même place, tant pis et merde. Quand quelqu'un va dire « Crim, tu n'as tué un cœur? » Il dit « Non, je n'ai 25, mais j'aime cette couleur. » Alors, il ne sait pas. Personne ne sait si tu as une cravate ou 4, ou 15, ou 20, ou 30. Bon, sauf que c'est la même couleur. Il y a effectivement des individus qui ont plusieurs cravates, comme toi, toutes rouges. Et il y en a d'autres qui ont 4 cravates de couleurs assorties différentes. Mais ça, ce n'est pas grave. L'idée n'est pas d'être riche. L'idée est d'avoir l'onde de forme pour que le riche se dise, dans l'astral, pour que la mémoire se dise qu'effectivement, par ton intermédiaire, elle pourra s'incarner. Donc, on va l'attirer. Petit à petit, lentement, on bâtit. Alors, ce n'est pas... si on a une seule paire de beaux souliers, bien, on les entretient. Il faut faire attention. Le riche n'est pas celui qui frotte ses souliers chaque fois que quelqu'un les regarde. Ça, c'est celui qui vit de luxure. Il n'a pas compris. Celui qui les fait frotter, il est aussi un imbécile. Pourquoi? Parce que le riche ne fait pas frotter ses souliers. Quand le riche est obligé, pour sauver sur les impôts, d'engager quelqu'un d'autre pour augmenter ses dépenses, là, il fait frotter ses souliers. Sinon, c'est une personne qui a de l'argent et qui ne sait pas quoi faire avec. Puis qu'il n'en aura pas longtemps. Il n'aura pas longtemps. Si un jour, étant intelligent, vous finissez par avoir de l'argent, il devrait être investi dans la structuration de la conscience, dans l'amélioration de la condition mentale des employés, dans l'amélioration de la condition sociale de notre société. Mais pas dans engager 4-5 bonnes, puis 4-5 bons, puis qui se promènent, puis qui lavent mes 3-4 autos, puis l'achètent un autre, etc. Ça, c'est pas être riche, c'est être imbécile. Ça, c'est une collection de bonbonnes. Oui, c'est ça. L'immortalité est-elle égale à la cristallisation? Non, tu ne mens pas. L'immortalité et la cristallisation, c'est similaire, sauf que dans l'immortalité de l'intelligence, tout reste souple, tout change, tout s'adapte, tout est vivant. Dans la cristallisation, tout est mort. La cristallisation est souvent une immortalité que l'ego recherche. Ça fait partie de l'information de l'astral donnée aux âmes humaines. C'est quoi la cristallisation? Il y a plusieurs formes de cristallisation. C'est évident que moi, quand je parle de cristallisation, je parle de densification totale. La cristallisation, dans certains cas, on parle de planètes où il y a des êtres de cristal. C'est une forme de cristallisation. On parle de devenir des êtres cristaux. Bien que le terme Christ soit dans cristal, ça n'a rien à voir. Pour des êtres christiques. Mais je sais de quoi je parle. L'immortalité est-elle mémoire? Si oui, l'immortalité devra-t-elle mourir? L'immortalité n'est pas mémoire et de toute façon, l'immortalité ne meurt pas. Pourquoi l'immortalité? À quoi cela sert? Ça ne sert absolument à rien aux égos. L'immortalité, ça ne sert pas. Ça s'utilise. L'immortalité, c'est une condition. Ce n'est donc pas un servant. Ça ne sert pas. Ça sert à quoi? La majorité des êtres humains qui vivent sur cette planète sont mortels. Et ils ne peuvent former que des questions en fonction de la mortalisation. Donc, une question qui dit à quoi sert l'immortalité n'est pas présentement formée par un individu capable de comprendre la réponse. Il y a de l'information qui manque. Et à quoi ça sert d'être immortel pour un individu mortel? Ah, c'est sûr, il y a beaucoup d'individus qui diraient, bien, ça sert à pouvoir vivre plus longtemps, à pouvoir bénéficier de ce qu'on a. La personne qui pose la question est au-delà de ce genre d'imbécilité humaine. La problématique, c'est que si on n'est pas plus heureux, si je suis immortel et que tout ce qui vit autour de moi ne me suit pas, si je suis immortel, il doit y avoir une raison. Une fonction. Il y en a une. Devenez immortel et vous le saurez. En parler avant, c'est carottiser le chemin. Il faut que ça fasse ce que c'est carottiser le chemin. C'est pas dans le dictionnaire, c'est mettre des carottes sur le chemin. C'est pas des mines, ça, des carottes. Comme a dit quelqu'un, on peut sortir quelqu'un de l'Est, mais on ne peut jamais sortir l'Est de quelqu'un. Est-ce qu'un aristocrate déguisé ne sera pas toujours un aristocrate qui joue alors que l'aristocrate n'a pas à jouer l'aristocratie ou à se déguiser? Celui qui a dit ça est mort. On peut sortir quelqu'un d'Union soviétique, mais on ne peut pas sortir l'Union soviétique de l'individu. C'est rien de plus faux. C'est évident que si vous sortez un espion de l'Union soviétique, vous pouvez l'amener chez vous, il va espionner pour le compte de l'Union soviétique. Si on prend les dissidents russes, les dissidents soviétiques, qui viennent à un moment donné dans les pays de l'Ouest, il n'y a pas de problème. Si la Chine, qui est communiste, est en train de faire une guerre civile, c'est que l'Est, ça sort de l'homme. Alors, non, c'était une personne qui était totalement manipulée qui a dit ça, qu'on peut sortir quelqu'un de l'Est, mais pas l'Est de l'individu. C'est une personne qui était totalement pognée avec l'Ouest. Elle était pro-américaniste, puis totalement anti-soviétique. Mais c'est totalement faux. On peut prendre n'importe quel individu, puis le transformer. Le lavage du cerveau, ça sert à ça, et l'Ouest et l'Est le savent. Bon, franchement. Extrapoler le futur à partir de l'avenir, c'est souvent avéré faux. Comment peux-tu prévoir remettre les rails du train devant, alors que dans le futur, le corps se télétransportera? Comment sais-tu que tu... peux-tu commencer par ça? Oui, premièrement, c'est que l'individu n'a pas tout à fait, ou l'ego n'a pas tout à fait compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on devait se prendre de partir de l'endroit où nous sommes et de notre point de vue projeter l'avenir. J'ai dit qu'on devait réincarner des mémoires de l'avenir et du point de vue de l'avenir, regarder l'histoire. Alors, on saura. Mais si on est ici puis on se dit « je vais faire un train » alors que dans l'avenir, je vais me téléporter ou je vais traverser les murs ou je serai instantanément à plusieurs endroits en même temps, puis que je ne peux pas penser à ça, à vu ma conscience qui est expérientielle dans le passé, on ne l'a pas fait, je ne peux pas comprendre l'avenir. C'est évident, je n'ai pas dit de projeter l'avenir. Tout à l'heure, j'ai bien expliqué, on l'a expliqué rapidement, celui qui est ici, il va essayer de créer le chemin. Ce n'est pas une projection d'avenir, c'est une projection de visualisation d'avenir, c'est une préscience. Et lorsque l'on réincarne des mémoires de l'avenir, on réincarne des conditions expérientielles qui ont eu lieu, qui sont totales, et à partir de ces contextes, nous allons lire l'histoire. Lisant l'histoire, nous allons connaître notre avenir du point de vue d'où nous partons. Comment sais-tu que tu n'es pas manipulé à prévoir ton futur alors que ce n'est pas ça du tout qui va t'arriver? Tu t'arrêtes au feu rouge, mais comme il est en panne, tu devrais passer. Tu t'arrêtes au feu rouge, tu regardes, et comme il n'y a pas d'autre automobile, bien après 200 ou 300 ans, tu passes. Si tu investis conscience supramentale, tu arrêtes au feu rouge de toute façon parce que l'autre côté, il est vert. Tu observes, il n'y a rien, pas de Dunkin' Donuts tout proche, donc pas de policiers, et tu passes sur le feu, tu t'en vas. C'est simple. L'intelligence, ça sert à autre chose que la mémoire et l'expérience. Comment je sais? Je sais. Je n'ai pas appris. Pas besoin d'apprendre. S'il faudrait apprendre, il faudrait que je me fie à quelqu'un d'autre. Pourquoi quelqu'un qui fusionne son double comme le Nazaréen aurait-il eu besoin d'imprégner 56 000 personnes? Est-ce que son double ne suffisait pas à garantir l'immortalité et que tout le reste décanté chez les autres n'était pas qu'une mémoire? Il y a la différence entre celui qui prend la grenouille et la remet dans l'eau de celui qui fait son jogging, sa course à pied, éclabousse une mare d'eau et arrose une grenouille. Les deux ont sauvé la grenouille de la sécheresse. Le Nazaréen est venu sur le plan planétaire pour résorber tout ce que son faisceau avait permis en effusion ici. Donc, il a créé des fusions au niveau de son faisceau. Les effets secondaires qui ont engendré le catholicisme, la chrétienté et énormément de phénomènes religieux, sont des effets secondaires, c'est-à-dire que le coureur, le Nazaréen, a pilé dans l'eau, ça nous a éclaboussé, et puis on considère qu'il nous a sauvés. Alors que lui, il ne s'est même pas rendu compte de notre existence. Il a sauvé son humanité. Il n'avait donc pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est immortel. De toute façon, le Nazaréen, présentement, n'est même plus immortel. La mémoire est restée immortelle alors que le phénomène christique ou michaélien est totalement résorbé. Il n'existe même plus. Ce n'est même pas créationnel, c'est extra-créationnel, c'est au-delà. Ce sont des effets secondaires. Quelqu'un qui a complètement achevé la formation de son double et commence sa fusion doit faire quoi pour achever celle-ci? Est-ce plus long que d'avoir formé le double? Et après, quitte-t-il définitivement le plan planétaire? Il quitte définitivement la vision que nous avons du plan planétaire. Et qu'est-ce qui est, premièrement, c'est du moment que le double éthérique est presque constitué, la fusion commence. À l'instant où le double éthérique est totalement constitué, la fusion est totalement terminée. Or, c'est pas plus long, c'est pas ci, c'est pas ça. Puis comment l'individu va le faire? Bien, l'individu qui s'en égoïse, si on peut lui expliquer comment, le reste, ça se fait tout seul, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Dans cette incarnation-ci, où as-tu reçu ton apprentissage? Quel a été ton cheminement karmique ici? Plus on se casse la gueule souvent et rapidement, plus on évolue. J'ai hâte d'arriver à des eaux plus calmes. Je suis sereine, mais j'aspire à des moments au calme, en parfait accord avec toi. Bon, dans cette incarnation-ci, où as-tu reçu un apprentissage? À l'école élémentaire. Quel a été ton cheminement karmique ici? Moi, personnellement, aucun. Plus on se casse la gueule souvent et rapidement, plus on évolue. Effectivement, dans le cas de la majorité des humains, c'est un fait. Pas dans mon cas. Le reste, je suis un commentaire. Ben, c'est bien. Si tout est accompli cosmiquement, c'est aussi accompli que tu auras sécrété sur certains futurs et que tu auras pris d'autres. Et donc, tu ne changes pas du tout le fait que tu ne vas pas où que tu vas dans le... Alors, je t'arrête immédiatement. C'est un des points les plus difficiles à comprendre. Tout est prévu, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Alors, effectivement, c'est prévu que des corps physiques vont sécréter, mais on ne sait pas qui va les habiter. C'est prévu que des consciences astrales vont se casser la gueule, mais la seule chose qui n'est totalement pas prévue, c'est l'intervention de l'intelligence. Je l'ai dit souvent. Oh, je crois que je vais le répéter encore souvent. Lorsque l'intelligence s'en mêle, tout ce qui est prévu ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Tous les trames sont prévues, mais on ne sait pas qui prendra quoi. On sait qu'un jour, une personne conduira une Rolls-Royce, mais on ne sait pas qui conduira la Rolls-Royce. Alors, lorsque l'être humain pose la question ici, il y a encore une incompréhension du point de vue de sa conscience. Il y a tout de prévu dans un contexte particulier, dans le monde de la mort, dans le contexte archangélique planétaire, le phénomène archangélique ainsi que les phénomènes messianiques. Les avatars ne servent qu'à préserver ce qui est prévu, alors que l'intelligence vient jouer entre les trames, dans ce qui est imprévu. Alors, c'est prévu que tant que vous restez collectif, vous ferez X, Y, Z. Si l'intelligence descend chez vous, vous faites partie de ce qui est prévu, appelé imprévu. Tu dis toujours, tant qu'à vivre, vivons de telle et telle façon. Pourquoi remets-tu toujours en question la deuxième partie de la prémisse et jamais ton fameux « tant qu'à vivre, vivons » et qui a dit « tant qu'à vivre » ? Parce que de temps en temps, je m'adresse à l'ego. Je carottise le chemin. Et je le rends plus carrossable. Et de temps en temps, je m'adresse au mental. Quand je dis tant qu'à vivre, ben, je m'adresse pas au mental. Il le sait. Je m'adresse à l'ego. Lui, il sait pas. Lorsque je dirige mon regard ailleurs, j'ai l'impression que les yeux suivent, donc ce n'est pas moi. Qui bouge les yeux explique ce phénomène? Ben, il faudrait que la question soit mieux posée pour que j'explique plus clairement. Qui bouge les yeux? L'interpréteur actionnel? L'interpréteur actionnel est celui qui interprète la pensée pour la communier en action corporelle. L'individu a une faculté mentale d'observation, ce qu'on doit développer de toute façon. Elle est à peine naissante, enfin, elle se développe présentement. Elle a la faculté d'observer les traces laissées par l'expérience de la vie dans l'âme. Donc, lorsque l'individu décide de bouger les yeux, immédiatement, l'ego est informé, disons que le mental décide de regarder ailleurs, l'ego est informé, l'ego étant informé, l'ego pense à bouger les yeux, l'interpréteur actionnel transmute énergie astrale en énergie intra-atomique qui engendre des dépolarisations neuroniques qui vont aller aux contractions musculo-oculaires pour bouger les yeux, cela laisse une trace biologique et dans le cerveau qui constate la position oculaire. Donc, par l'interpréteur actionnel de type cherubinique yin, cela va être relu par l'âme. Étant relu par l'âme, l'âme expérimente maintenant qu'elle sait que les yeux ont bougé. Le mental, observant les traces dans l'âme, observe que l'âme sait ça. Et le mental se pose la question, j'ai voulu bouger les yeux, je n'ai rien fait. J'ai expliqué que l'ego, c'est une temporaire, l'ego va bouger les yeux. Et automatiquement, le mental se rend compte que quelqu'un a bougé les yeux. C'est l'ego. Observant dans l'ego la trace du mouvement oculaire, le mental le sait. Maintenant, le mental ne se pose pas de questions. Mais il y a une autre partie de l'ego qui, lui, étant informé que le mental a lu qu'il y avait quelqu'un qui avait bougé les yeux, cette partie-là se dit « crime, quelqu'un a bougé les yeux, qui est-ce? » Voilà, j'ai expliqué la mécanique. Facile. C'est une autre question comme ça. Comment puis-je réincarner les mémoires du futur? Cela me serait très utile car j'hésite à m'engager dans un projet qui s'étend sur une période pas plus longue qu'un an. Il faut comprendre une chose. Les conférences que je donne, c'est la pré-maternelle. Je ne dis pas ça par rapport à votre point de départ. Je dis ça par rapport à mon point d'arrivée. C'est-à-dire que lorsque je donne de l'explication, l'individu, après ça, veut savoir, bon, ici, on me dit comment puis-je réincarner des mémoires du futur. Je ne peux pas répondre en 105 minutes. Il faudra passer à la maternelle, passer à l'élémentaire, passer à l'école secondaire, il n'y a pas de cégep dans mon affaire. Et puis, on arrive à l'université. Ce que ça veut dire, que l'être humain... Exactement comme si, après des milliers d'années d'instructions astralisées, d'instructions spiritualisées, d'instructions reliées à l'animal humain, initiation lunaire, douleur, plaisir, souffrance, malheur, joie, bonheur, haut et bas, vie et mort, à un moment donné, vous êtes prêt à venir frapper à une autre forme d'instruction, une instruction qui, non pas vous demande de croire, et vous oblige à savoir. La transition entre la croyance et le savoir est une transition qui se fait sur une école qui s'appelle l'école du doute. Cette école est une école de souffrance parce que l'ego souffre de découvrir qu'un jour il ne souffrira plus. Il devra perdre ses habitudes. Il ne se reconnaîtra pas. Et le cheminement n'est pas long. Le cheminement que je peux offrir à un moment donné est un cheminement qui ne dépasse pas 2000 à 2500 ans, 2800 pour être précis. Si on prend des individus qui sont relativement supramentalisables. Lorsque je parle de prématernelle, il faut se comprendre. Je ne fais pas référence à vous. Ceux qui sont capables de comprendre ce que je dis font nécessairement partie d'une élite. Mais vous êtes peut-être un borgne au milieu d'aveugles. Lorsque vous rentrez dans une école où tout le monde voit avec trois yeux ou quatre yeux, votre élitisme est un peu altéré, terni. Si vous regardez en arrière, vous êtes l'élite. Si vous regardez en avant, vous êtes des débutants. Et c'est ce qui fait que bien souvent l'individu ou l'humain ne veut pas suivre un chemin comme celui que j'amène, parce qu'il préfère suivre un chemin où on lui dit qu'en dedans de 2 ou 3 ans, il sera l'élu de Dieu. Il sera sauvé, il ira à la droite ou à la gauche, ou en avant ou en arrière, ou dessus ou en bas du Père. Surtout en dessous. L'évolution, j'amène de l'information dans les conférences. Il y a des gens qui me disent, à un moment donné, c'est drôle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent aux conférences. Un cercle, ce qui fait sa perfection, c'est sa rondeur. C'est pas sa grandeur. L'être humain étant collectif, cela fait partie du cheminement du doute, il se dit, oui, mais comment ça se fait qu'il y a si peu de gens si ce qu'il dit a de l'allure? C'est justement, oui. Ça n'aurait pas d'allure, il y aurait beaucoup plus de monde. C'est que vous devez, et tous ceux qui, à un moment donné, embarquent sur un cheminement d'intelligence, doivent le devenir. La majorité des égos ne veulent pas devenir intelligents parce que, premièrement, ils ne peuvent pas devenir intelligents, et deuxièmement, s'ils développent l'intelligence chez eux, ils devront, à un moment donné, libérer le corps pour l'intelligence. Un jour, ce qui, intelligent chez vous, désire, aura raison. Et ça, l'ego ne veut pas. Vos ancêtres ne veulent pas. Ils ne seront pas mis aux poubelles. Ils vont être transformés en dôme éthérique, en être immortel. Mais ils ne savent pas quelle est la saveur de l'immortalité. Ils en ont peur. Comme une chanson disait que beaucoup de gens veulent aller au ciel, personne ne veut mourir, c'est que l'ego ne connaît pas la saveur de l'immortalité, alors il en a peur. Il veut devenir immortel, mais pas trop vite. Quand je parle de prématernelle, la conférence, la maternelle, c'est le séminaire, l'école élémentaire, c'est ce qui suit par la suite. Ce n'est pas une question de temps, on peut faire toute la structure révolutionnaire en quelques années. Mais on doit cesser de se leurrer, de s'illusionner que ça peut se faire instantanément. Ça se fait. Ça vous arrive, tant mieux. Mais il y a trois façons de faire de l'argent. Voler. Dans le domaine de l'évolution, ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez pas voler l'évolution. Gagner la loterie ou travailler pour aller chercher. Ces deux phénomènes fonctionnent dans l'évolution. Il y a celui qui, à un moment donné, devra souffrir énormément. On devra l'aplatir, l'écraser, le déségoïser, le martyriser. Et après un an ou deux ans, ou après deux ou trois semaines, paf! Il devient une antenne supramentale. Et il y en a d'autres. Ça, c'est l'équivalent de gagner à la loterie? Oui. Et il y en a d'autres qui, eux, devront prendre un peu plus de temps. Ne seront pas aplatis aussi puissamment. Ne seront pas déségoïsés, mais seront anégoïsés. Ah, ils vont souffrir un peu, mais ils auront un bon karma. Sauf que eux devront passer par des échelons qui demandent quelques années. Première chose, se garantir une immortalité. Donc, première chose, connaître la mécanique de l'anégoïsation. Connaître ce que c'est que l'astral. Pas juste en entendre parler. Il faut que ça devienne du vivant. Et après ça, même si on est rendu à 75 ans ou à 95 ans, si on a commencé à créer un dôme éthérique, si on a suffisamment d'informations pour être capable de supporter notre mort, on est immortel. Le reste, ben on vous donnera les enseignements dans 75 ans, dans 125 ans, dans 248 ans, lorsque vous reviendrez à l'école. La première chose que l'humain doit comprendre, c'est d'éliminer la poussière spirituelle, d'éliminer les structures involutives de l'astral, donc toute forme de théologie. Cela fait partie de la descente de l'homme. Cela fait partie de la force fusionnelle de l'homme, de l'involution de l'humanité. Et il doit être capable de supporter la vie sans sécréter dans la vie, donc de supporter la vie sans être continuellement assujetti à la lecture émotive de sa vie. Lorsqu'il parvient à être capable de ne pas supporter, de ne pas être manipulé plutôt par la lecture émotive de sa vie, il s'anégoïse. S'anégoïser ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez vous guérir de vos maladies. S'anégoïser ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez gagner la loterie. S'anégoïser ne veut pas dire que vous allez flotter, traverser les murs. S'anégoïser est quelque chose d'anégoïque qui fait partie de la dissolution de l'ego. Donc, l'anégoïsation ne paraît pas. Elle ne paraît pas parce qu'elle n'est pas méritoire, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas l'égoïsation. Toute forme d'anégoïsation n'est pas méritoire. Vous ne pouvez pas vous vanter de vous anégoïser, parce que si l'on se vante de s'anégoïser, on s'égoïse. De ce fait, une grande partie du chemin que j'offre est un chemin qui ne semble pas donner de résultats plaisants, de résultats où on aura de l'euphorie, pas dans le début, parce que c'est un chemin d'anégoïsation, un chemin où l'ego se dissout, un chemin où l'intelligence prend de la puissance, un chemin où le mental se développe, un chemin où on va dire « oui, mais comment ça se fait que je continue à vieillir? » Si tu commencerais à rajeunir, ton ego serait tellement content que tu bloquerais la mécanique d'anégoïsation. Pour moi, ce n'est même pas important qu'un être humain réussisse dans cette vie corporelle. De ce fait, mon point de vue en tant qu'orateur n'est pas nécessairement le point de vue des auditeurs. Quelqu'un va dire « oui, mais si, je m'en fous ». Le cheminement est sur plusieurs centaines d'années. L'être humain a la capacité de garantir son incarnation future avec une conscience. Donc, il peut devenir immortel. Première chose à travailler. Pas traverser les murs. Ce sont des résultats secondaires. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas ce que l'on doit rechercher. On doit simplement comprendre le désassujettissement des souffrances d'être dans cette vie. C'est la négoïsation. Pour cela, on doit instruire l'ego. Instruire l'ego veut dire déifier le mental. Le mental doit devenir le dieu de l'ego. Par la suite, on doit carottiser le chemin. Informer l'ego de ce qu'il va devenir s'il accepte le sentier supramental. Il devenir indobétérique. Il sera immortel. Il y a un prix à payer. Il sera immortel, mais il ne le saura pas. C'est chiant. C'est diaérant pour l'ego. C'est bien chiant. Mais c'est le cheminement. Vous avez le choix d'être dans la roue, de mourir, naître, mourir, naître, mourir, naître, mourir, naître, naître que des morts. Ou, à un moment donné, sortir de la roue, et nécessairement, l'ego ne se reconnaîtra pas, parce que vous ne serez plus dans le même genre de monde. Lorsque l'individu demande « Comment puis-je incarner des mémoires de l'avenir? » Il y a beaucoup d'informations encore qui manquent. Il y a de l'information qui manque, c'est-à-dire de l'information intérieure. Il y a de l'éducation d'ego, de la structuration du mental, de la capacité de supporter le neuf. Et certains égos disent « Ah, je suis capable de supporter du neuf. » Oui. Mais il y a bien du neuf que tu ne connais pas, que tu ne peux pas supporter. On y va à petite dose. Quand je fais le séminaire, c'est l'école maternelle. Pour certaines personnes, le séminaire est un paquet de gifles en plein visage pendant 2 jours. Il y en a d'autres qui disent « Ah, ben je pensais que c'était pour être pire. » Mon séminaire n'est pas un cours de boxe. Je le fais d'une façon douce, très douce. Sauf que pour certains égos, c'est pénible. C'est l'école maternelle. Alors, il faut passer par l'école maternelle avant d'avoir les réponses de l'université. Parce qu'imaginez-vous bien que pendant l'école maternelle, il y a plusieurs personnes qui tournent sur leur chaise. Alors, si on répond trop rapidement, on fait juste détruire les bons éléments. Leur ego saute. Une explosion d'ego est un problème majeur dans un corps physique. Donc, l'évolution, on doit toujours la reconsidérer à long terme. Comment réincarner des mémoires de l'avenir? J'ai expliqué ce soir que cela se faisait. Et il y a des gens avec qui je travaille qui sont en train de procéder à ce travail, à cette incarnation de l'avenir. Ils incarnent le passé. Ils sont en train de se former pour l'imprégnation. Et ils vont être formés pour la réincarnation de l'avenir et pour un paquet d'autres choses. Il y a beaucoup d'informations. L'évolution n'est pas compliquée. Mais on part de tellement faux que ça paraît compliqué lorsqu'on doit se redresser. Il y a un bonhomme, à un moment donné, qui avait fabriqué une automobile qui marchait à la vapeur. C'est un millionnaire. Il avait hérité de son père un paquet de compagnies aux États-Unis. Il a travaillé. Il a fait la TWA, entre autres. Et l'automobile sur laquelle il travaillait était une automobile qui fonctionnait avec un moteur à vapeur, pendant que les concurrents essayaient les moteurs à explosion, ce que nous avons aujourd'hui. À un moment donné, il rentre dans une usine, il demande à son technicien, en voyant l'automobile, « Génial, mais où as-tu caché toutes les chambres où la vapeur est chauffée, où la vapeur se promène? » Alors le technicien, l'ingénieur, il dit « Dans les portières, dans le capot, dans la carrosserie. » Alors notre bonhomme prend une hache, frappe une portière, et là, ça se met à pisser de la vapeur d'eau extrêmement bouillant. Il dit, en cas d'accident, la personne s'est cuit comme un légume. Il dit, oublie, c'est fini, c'est manqué, c'est le moteur à explosion qui va gagner. Être capable d'accepter le neuf, de travailler des années sur du vieux, se rendre compte que ce n'est pas ça, virer de bord et continuer, ça demande une formation. Parce que les égos ne sont pas capables de supporter ça. Les égos préfèrent mourir avec quelque chose qui sombre. Le capitaine ne quitte pas le bateau, le cave. Il meurt avec. Quelle gloire! Mieux vaut qu'il meure avec. Moins on en a du cave comme ça sur la planète, mieux c'est. Alors, il doit y avoir une suite de formations. L'individu ne peut pas prétendre arriver immédiatement lorsqu'il reçoit quelque chose de neuf comme information au résultat que l'information doit amener. Certaines personnes me disent souvent que nous devrions, que je devrais faire des séminaires gratuits de temps en temps, des pré-cours, des ci, des ça. Ça formerait, les gens seraient mieux informés, ça vendrait mieux, selon eux. Je le répète que je ne tiens pas de commerce. Donc, je n'ai rien à vendre. S'il y a l'Académie PMC, c'est une école, ce n'est pas un commerce. Une académie qui forme de l'élite ne vend pas. Pourquoi? Parce que ceux qui achètent sont les plus faibles. Si on vend trop, ce sont les plus manipulables. Ce ne sont pas les gens qu'il nous faut. Il nous faut des individus qui sont capables de traverser, même si apparemment on ne vend pas. Ce sont des individus qui sont capables de venir acheter et de se faire dire dès le début, tu viens de payer 235 $ ou 300 ou 500 $, et c'est ton ego qui vient d'acheter. Tu t'es fait fourrer. Puis le reste du cours, on fait juste taper dedans ton ego. Puis l'individu qui a suffisamment d'énergie mentale pour dire, ouais, ben je m'en rends compte, mais c'est ce que je veux faire quand même, même si j'ai un bon. Qui reste? Ben c'est celui-là. Parce que je suis un gars très paresseux. Je préfère enseigner uniquement à ceux qui ont tout pour réussir. C'est plus facile. Les conférences, c'est la prime maternelle. C'est extrêmement utile. C'est peut-être le summum de bien des choses qui se fait sur la planète. C'est la prime maternelle. C'est le tapis où on essuie ses pieds. En attendant, pour passer à travers les murs, on peut prendre une porte. Ben oui. Si on est capable de réincarner des mémoires du futur, ça peut être utile. Mais si on accepte aussi de vivre sur une corde de raide puis de ne pas savoir ce qui va arriver demain, est-ce qu'on a besoin, absolument, est-ce qu'on a le goût même d'aller voir des mémoires du futur ou est-ce qu'on va oublier ça? Faire attention, c'est encore une chose donc qui n'a pas été comprise. Réincarner des mémoires de l'avenir ne nous dit pas ce qui va arriver. Mais ça va nous forcer à vivre de façon à ce que ce qui va arriver soit totalement intelligent et énergétiquement, vibratoirement plaisant. Ça élimine des chemins du futur. Oui, ça ne te dit pas ce qui va arriver, parce que tu te fous de ce qui va arriver, parce que de toute façon, ce qui va arriver, c'est en plein ce que tu vas vouloir qui arrive lorsque ça va arriver. Tu ne peux pas présentement dire « je veux ceci », parce que lorsque tu auras changé, et lorsque tu l'auras, c'est plus ça que tu voudras. Présentement, tu laisses faire l'avenir. Moi, je n'essaie pas de créer l'avenir. J'incarne de l'avenir. Je détruis de l'avenir. Je détruis du passé. J'incarne du passé. J'incarne du présent. Et évidemment, je me réincarne dans le passé, dans l'avenir et dans le présent. Sauf que je me fous de savoir qu'est-ce qu'historiquement il s'est passé. Je peux inventer le passé comme ça me tente. Et je me fous de savoir ce qui va m'arriver. Je n'ai pas un ego qui est suffisamment puissant pour désirer être sécurisé par une connaissance de l'avenir. Mon petit ego est suffisamment sécurisé par ma présence. Ça le contient complètement. Il n'a aucun problème. Et en ce qui concerne ce qui va arriver dans l'avenir, mais je m'en fous. Parce que l'avenir, de toute façon, c'est l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille dans l'avenir. Quel que soit l'avenir, il est correct. Sauf que si l'être humain fait le choix, un choix à un moment donné, un choix d'homme nouveau, s'il ne fait pas le choix d'homme nouveau, le choix qui l'amène vers l'avenir, vers le neuf, et qu'il aura fait un choix d'homme ancien qui le ramène vers le passé, il s'en va encore vers des guerres, il s'en va encore vers des maladies, vers des catastrophes sismiques, vers des manques scientifiques. À un moment donné, on avait des médicaments comme la thalidomide, maintenant on joue avec le nucléaire, on joue avec d'autres conneries. Bon, alors il peut faire un choix d'homme ancien et continuer dans sa roue. Moi, je suis de toute façon déjà dans un monde qui n'existe pas dans le monde de l'homme ancien. Je suis déjà dans un avenir qui n'existe pas dans le passé de l'homme ancien, que l'homme ancien appelle son avenir imbécile. Enfin, il n'appelle pas imbécile, il n'appelle pas ça imbécile, mais son avenir traditionnel. Celui où l'être humain essaie de prendre ce qu'il connaît pour le projeter dans l'avenir, c'est l'avenir de l'homme ancien. Moi, je suis déjà vivant dans un autre monde. Je ne suis pas dans ce monde. Personnellement, je m'en fous de l'humanité. Je m'en fous de ce que la planète va faire. Si elle explose, elle explosera. Mon corps, s'il est dessus, il explose avec, ça n'a rien à voir. C'est un véhicule que je me sers présentement pour communiquer avec l'humain. Mais ça n'a aucune importance. Il n'y a aucun problème pour moi. Lorsque l'être humain fait le choix de l'homme nouveau, lorsque l'être humain crie de l'immortalité, automatiquement, de toute façon, si le contexte historique qui, pour moi, est de l'histoire à partir de 1900, disons, de l'an 2023, aller jusque dans le passé, si le contexte historique de l'humanité n'est plus utilisable par tous les corps physiques qui auront une conscience devenue immortelle, s'il n'est plus utilisable, eh bien, on va le laisser aux animaux humains, et aux animaux humains, ils feront ce qu'ils voudront avec. De toute façon, dans ce qu'on appelle des mondes parallèles, il y a déjà une structuration dans l'avenir d'un contexte historico-humanitaire qui connaît la destruction de la planète. C'est là que je vis. Et je réincarne des mémoires de temps en temps. Je fouille dans les livres d'histoire pour connaître un peu le passé, ce que tu appelles, toi, l'avenir. Quand on me pose des questions, je ne le fais pas moi-même, je ne me pose pas des questions, je m'en fous, c'est réglé. C'est accompli, c'est parfait. Lorsque l'individu suit un cheminement où il devient immortel, mais l'immortalité n'est, ne doit et ne peut être question que d'anégoïsation. Lâcher le monde actuel et son histoire pour pénétrer dans un monde actuel que vous ne connaissez pas, qui est le monde de l'avenir. L'être humain qui essaie toujours de revivre son présent en fonction de l'histoire, celui qui se lance en affaires et qui va suivre des cours à l'école, ne fait pas ce qu'il doit se faire. Il doit se lancer en affaires et s'informer de l'avenir, de comment un homme d'affaires fonctionne. Alors, nécessairement, il va vivre dans le présent un contexte qu'on appellera anachronique, c'est-à-dire qu'on aura l'impression qu'il était en avant de son temps. Non, il est déjà en train de se créer un dubitérique et de se créer une place dans un monde où un enfant va naître, ce sera lui. Et ce monde peut être juxtaposé du point de vue des plans parallèles au contexte historique 2023 descendant, au contexte historique de cette planète. Donc, supporter le reste de l'humanité dans une fonction d'instruction, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire, c'est-à-dire que ça peut se faire dans les années à venir de notre planète, comme ça peut se faire dans 6000 ans de notre planète. Ce que moi je veux dire, c'est que le monde dans lequel je vis, pas le monde dans lequel je parle, le monde dans lequel je vis est un monde qui est sur le plan planétaire et qui a subi une fusion avec l'histoire de l'homme, donc ce que nous connaissons aujourd'hui au niveau des races, sauf que est-ce que ça s'est fait dans 30 ans? Est-ce que ça s'est fait dans 6000 ans? Est-ce que ça s'est fait dans 200 000 ans? Moi, je m'en fous parce que je suis dedans. Donc, je ne me pose pas la question à savoir si oui, mais est-ce que l'humanité va s'en sortir d'ici les 20-30 prochaines années? Je m'en fous parce que je vis dans l'humanité qui s'en est sortie et je parle dans l'humanité actuelle. Qu'est-ce qui se passe en 2023? Les historiens se trompent toujours. Mais il y a beaucoup de problèmes. Ça va pas. Prochaine conférence des mystères du troisième œil au LDN Richelieu, mercredi, le 14 juin 1989, à 19h30. Bonne semaine. Alors, en attendant, c'est ça. Ouvrez vos deux yeux.